Dans une auberge à Prague, un Australien m'a fait rire. À Buenos Aires, je vague avec une fille qui m'inspire. Chaque voyage m'apporte des gens extraordinaires qui ouvrent des portes sur d'autres manières. Connexions éphémères, mais tellement sincères. Rencontres du bout du monde, rencontres profondes qui changent ma vie en quelques instants. C'est ainsi. Quelques instants.